Piste 13. Exercice 2. La France. Les Français. Ça va? Ça va bien? 10. 17. Je parle. Nous parlons. La tour. La tour Eiffel.